Ouais. Frère, je voulais des thunes, j'ai lâché le sac qui se patch. Ça fait mal comme la taille de Sky qui se casse. Ils disent quoi, 7-4, qu'est-ce que tu captes pas? Je parle pour ceux qui savent quoi je parle. On est calme, mais ça se dégrade en 4 pannes. S'éclate à chaque taf, chaque taille de Jack Dan. Je suis trop fort, Taras, Tara, je maîtrise là. C'est ZIT, Mexicane et Zeriz là. Je ferai pas partie des gens qui tapinent. Parle à tes potes, on est antipathique. Moi, je rentre à 6h, ils pourront dire ce qu'ils veulent. Moi, je sors pas de single, je squatte chez Goldfinger, mesquin. Y'a trop de pétasses à démasquer. C'est la fête du cirque et ils sortent tous des scuds. J'ai pas ton vécu de merde ni le torse velu. Juste 2-3 coups et 16 rimes de lutte. Un peu Marcel, et je la laisse faire avec plaisir. Truc c'est que c'est malsain, fait quand même péter l'anesthésie. En plus, c'est malsain. Sans mon pet, je deviens hystérique. C'est terrible, ça crame même toutes mes rimes. J'ai la haine depuis la fin de mes primaires. On m'a dit, Samuel, t'as l'air déprimé. Tes idées sont noires, mon petit, vas-y, supprime-les. De 1, je suis pas ton petit. De 2, je t'ai dit que je faisais ce que je voulais. Je suis pas assez vulgaire, j'ai pas grand chose à leur divulguer. Dans mes sèches, je suis égoïste, je parle de ma vie ou bien de ce que mes gros vivent. J'ai pas le bon profil pour faire du profit. Les vieux MC défilent et se lancent des défis. Ils sont crus dans des films entre disques qui déchirent. Ils ont cessu des riches et pompent des rimes. Bande de baltringues, je vous verrai mieux en ballerine. Crois qu'ils ont pas compris. Non, non, nous on n'est pas dans la merde. Nous on n'a pas quoi perdre. Pour tu te fais pas cotis. Pareil que vous êtes là, on vous sent pas marqué. Les gars, ils sont trop nous, il va falloir s'adapter. La smala, ouais, l'histoire suit son cours. Nique ceux qui sont cons, nique ceux qui sont pour. Approche, sale gosse, arrose, aux quatre roses. Atroce, c'est la preuve, mate les dégâts de la prose. J'vois, quatre autres salopes qui ouvrent leur gueule, mec. Mon texte, ils savent où ils peuvent se le mettre. RIZE et restera le seul maître. On est des saletés et on baise les sales traîtres. Faut que tu t'apprêtes avant que ça pète. Y'a trop de trous de pète, ah, franchement ça fouette. Faut qu'on reste clean, mais ça me fait marrer. Le seul bot de la clique, son nom de famille c'est Marley. Pas de yeah, pas de my man. Cousin, je reste fidèle à moi-même. Fou, je suis comme toi, des fois j'ai le rhume des foins. Et si j'arrive trop vite, c'est que les faux me coupent les freins. Tu comprends rien, c'est que t'as fumé trop de chichons. Dans le rap, je suis comme une bite entre deux nichons. Je me mets bueno, vas-y, reste mignon. Des salopes dans ton style, ben y'en a des millions. T'es ma c'est la bande à l'exil. Dans mon vrai la faute, même si je suis exclu comme d'hab et fellow. Sur le mic, ouais, ça tue. J'écris tellement de textes que mon PC sature. J'fume tellement de weed que j'décolle sur sa dune. J'ai pas un égoïste, donc les bédos, ça tourne. M'en fous de faire un carton, j'te fais triper comme un cartoon. Avec mes agents, on a pas lâché toutes nos cartouches. Le cul des faux, on les sait. Cartouches, j'ai pas encore joué toutes mes cartouches. T'as une cigarette, moi j'ai de la cousine. Je rapédale, toi t'as la colle. J'te dis, parle pas sur ma gauche. Tu pourrais peut-être bouffer de la gauche. J'aurai que ça avec les poings, y'aura pas de gâchette. Et si tu me cherches un 090, c'est la gâchette. Ouais ouais, un 090, c'est la gâchette. F-L-O. J'compte pas compter sur quelqu'un comme un bras droit. J'suis antipathique et les neufs s'y font pas. J'roule un joint et alors, dis-moi qui se drogue pas. G.O.R. c'est trop gore, qu'est-ce tu comprends pas. Fais fumer ta beurre, ta gordonne laisse-la moi. Trop dans la def, on s'y perd. Des jours puis des mois, j'me rappelle plus de ce qu'on kiffait. Avant de kiffer ça, y'a plus rien qui évolue. Et j'sais plus qui fait quoi. On laisse des victimes comme deux parents qui séparent. Reste prudent, c'est du lourd qui se prépare. Le rap on est dedans même si tu t'y fais pas. Et tu dis, pendant que je tire mes taffes poli, tu vas manger des baffes, c'est du GER, ça fait boum dans tes baffes. J'crois qu'ils ont pas compris. Non, non, nous on n'est pas dans la merde. Nous on n'a pas quoi perdre. Pour tu te veux pas cotis. Pareil que vous êtes là, on vous sent pas marqué. Les gars, ils sont trop, il va falloir s'adapter. La smala, ouais, l'histoire suit son cours. Nique ceux qui sont cons, nique ceux qui sont pour. Approche, sale gosse, arrose, aux quatre roses. Atroce, c'est la preuve, mate les dégâts d'arrose. Ils ont pas compris, non, non, nous on n'est pas dans la merde. Nous on n'a pas de quoi perdre. Pour tu te veux pas cotis. Pareil que vous êtes là, on vous sent pas marqué. Les gars, ils sont trop, il va falloir s'adapter. La smala, ouais, l'histoire suit son cours. Nique ceux qui sont cons, nique ceux qui sont pour. Approche, sale gosse, arrose, aux quatre roses. Atroce, c'est la preuve, mate les dégâts de la prose.